La représentation permanente de la République populaire démocratique de Corée à l'ONU a publié le 26 un communiqué. En voici le résumé. Nous rappelons que la plainte déposée en mars dernier par le représentant permanent de notre République à l'ONU en faveur de la discussion urgente des manœuvres américaines sud-coréennes a été négligée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Cela montre de nouveau que le Conseil met de côté sa mission et la confiance de la communauté internationale pour dégénérer en dispositif politique d'un certain État. Dans le passé, le Conseil de sécurité a mis en cause toutes les mesures justes autodéfensives prises par notre République pour défendre sa souveraineté, sa dignité et sa sécurité et adopter les résolutions de sanctions illégales. L'exercice du droit de souveraineté légale et les mesures autodéfensives de l'État souverain sont accusés d'illégalité et de provocation selon la double norme fabriquée arbitrairement par les États-Unis pour leurs intérêts et les manœuvres américano-sud-coréennes, source de l'aggravation de la situation dans la péninsule coréenne, sont tolérées ouvertement. Voilà la réalité du Conseil de sécurité d'aujourd'hui. La partialité et la double norme du Conseil de sécurité, complètement manipulée par les États-Unis, prouve nettement de nouveau combien est juste la fortification impeccable de la capacité autodéfensive et du potentiel d'attaque préventive basé sur les forces nucléaires. Actuellement, l'administration de Trump, désireuse de ne fléchir par la force, lance dans les parages de la péninsule coréenne les flottilles de frappe de porte-avions nucléaires, mais nous n'avons aucunement peur de leurs menaces et chantages. Nous sommes fermement déterminés à affronter aux États-Unis jusqu'au bout s'ils veulent l'affrontement. Notre réaction ultra-dure comprend plusieurs modes, y compris la frappe préventive par surprise accompagnée des manœuvres terrestres, navales, sous-marines et aériennes. Notre riposte dure et originale sera immédiate pour tous les types de provocations de tout degré des États-Unis. Le monde verra clairement à cette occasion que le temps a passé à jamais où les États-Unis imposaient leur volonté par la force. En tant qu'État socialiste et pris de paix, notre République fait grand cas de la paix, mais elle ne craint point la guerre, ni elle ne l'évite pas. Afin de nous défendre contre les menaces nucléaires des États-Unis, nous avons possédé le nucléaire puissant et nous sommes prêts à répondre sans hésitation à la guerre totale par la guerre totale et à la guerre nucléaire par la frappe nucléaire à notre manière et nous sortirons vainqueurs à tout prix dans le combat décisif contre les impérialistes américains.